Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Force de l'ordre, une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a la police qui a le droit de faire usage de la force, les manifestations qui dégénèrent en affrontements et des techniques de maintien de l'ordre. Et il y a aussi l'histoire de la violence légitime de l'État. Alors pour commencer, les personnages. Des historiens qui détricotent, des sociologues qui décryptent, un préfet qui réglemente, la garde mobile et des manifestants. Ensuite, le décor. Des sirènes, de la discipline, des émeutes, des progrès, les droits de l'homme, un héritage sanglant, des morts, des interdictions, l'ordre, le 17 octobre, des barrières, des grenades, des canons à eau, des caméras témoins et l'art de communiquer. Aujourd'hui, 4e épisode, des voix dans la tête. La plupart des policiers vous diront qu'ils ont probablement tout vu. Cet homme va accepter que le cobaye est une expérience. C'est la nature même de leur métier. D'être exposé à pratiquement tout ce que l'humanité a de plus affreux à offrir. Du plus étrange, au plus dérange. Se lever ce regard. J'ai cherché un peu partout sur le net des témoignages de policiers. Leur amour, c'est leur mémoire. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter leurs histoires. Vous êtes prêts? Alors éteignez vos lumières, mettez vos écouteurs. Il a réellement vécu. Installez-vous confortablement. Il va tomber en chute libre d'un moment à un autre. Say hello to my little friend! C'est l'histoire de la violence. L'histoire du maintien de l'ordre, c'est une histoire longue, c'est une histoire qui se joue toujours à deux, entre manifestants et policiers. C'est une histoire qui est dépendante des contextes, c'est une histoire qui est dépendante des terrains, qui est dépendante des circonstances. On ne maintient pas l'ordre en Nouvelle-Calédonie comme on le maintient au Creusot dans les années 60-70, quand bien même les manifestations de sidérurgistes dans les années 70 étaient particulièrement brutales. L'ordre public, c'est toujours le résultat d'un équilibre dont la finalité ne fait aucun doute. Le maintien de l'ordre à la française. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. Il faut être attaché à l'ordre public, c'est-à-dire au fait que chacun puisse se livrer à ses occupations normales, mais aussi éventuellement à la liberté de manifester, qui est un droit quand même constitutionnel, hein, qui fait partie de nos libertés publiques. Respecter l'ordre public, c'est-à-dire c'est marier l'un et l'autre, c'est-à-dire marier le fait que chacun doit pouvoir se livrer aux activités qu'il souhaite ou auxquelles il est astreint, aller à son travail, et puis la liberté de manifester. Jean-Marie Delarue. Alors, quand, par exemple, une manifestation consiste à battre systématiquement des vitrines pour s'emparer de ce qui est dedans, on voit bien que là, on n'est plus dans la liberté de manifester. On est dans le cas d'un délit. Et par conséquent, il faut que cette manifestation, qui n'en est plus une d'ailleurs, s'arrête. Donc, l'ordre public, c'est toujours le résultat d'un équilibre qui varie suivant les circonstances, le temps, le lieu, mais dont la finalité ne fait aucun doute. Au début du XXe siècle, le maintien de l'ordre, Fabien Jobard, a consisté en des opérations sanglantes qui ont parfois tourné au massacre dans des villes minières, notamment entre des troupes militaires et des grévistes. Et c'est cette configuration-là que le maintien de l'ordre, c'est-à-dire la gestion policière des foules, qu'elles soient festives ou protestataires, que le maintien de l'ordre s'est mis en place et s'est développé. Le maintien de l'ordre, son histoire, c'est celle, jusqu'à une période récente, de disciplinarisation à la fois des forces de l'ordre, appelées à maintenir l'ordre, mais aussi, évidemment, des manifestants, des protestataires. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ce mouvement de civilisation du maintien de l'ordre, de disciplinarisation de la protestation de rue, de la manifestation, il est remis en question aujourd'hui. D'abord par des formes récurrentes de protestation qui sont ce qu'on appelle les émeutes de banlieue depuis une trentaine d'années en France. Et il est très frontalement remis en question par le mouvement des Gilets jaunes qui disent cette civilisation, cette disciplinarisation, cette domestication progressive de la manifestation, on n'en veut pas. Parce que c'est ça qui conduit à son étouffement. Comme disait Nicolas Sarkozy il y a une dizaine d'années, ce qui est bien avec les manifestations aujourd'hui, c'est que quand il y en a une, ben, on s'en rend même pas compte. Une république ne peut pas tirer sur des citoyens ou ses citoyens. Quand vous regardez la succession de répressions qui commence, on va dire, alors avec l'insurrection et la répression du Champ de Mars, hein, Jean-Marc Berlière, en 1791, toute la suite, ben vous avez les années 1830, révolution, 1831, les canuts à Lyon, 1832, 34, des émeutes à Paris, ne parlons pas des journées de juin 1848, hein, et puis de la Commune de Paris, ce sont des morts par milliers, voire dizaines de milliers. Et donc, quand la République, les républicains arrivent au pouvoir, comment ces républicains qui se réclament de l'héritage de 1789, de cette loi des lois qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ont-ils géré cet héritage sanglant? C'est-à-dire que, en gros, ils sont très conscients qu'une république ne peut pas tirer sur des citoyens ou ses citoyens, mais malheureusement, c'est ce qui va encore se passer pendant plusieurs dizaines d'années, parce qu'on manque d'un outil spécialisé, hein, dans le maintien de l'ordre, et que les acteurs du maintien de l'ordre, qui sont essentiellement l'armée, et son appendice policier qu'est la gendarmerie, mais ce sont des militaires aussi, hein, eh bien, ne sont ni préparés, ni entraînés, ni équipés pour faire face à des émeutes qui sont extrêmement violentes. Tout change, si vous voulez, à partir de 1893, parce que il faut professionnaliser le maintien de l'ordre. Alors, on nomme à la préfecture de police quelqu'un, d'abord il n'y avait pas beaucoup de candidats vu l'ambiance, hein, il y a eu à mort place Saint-Michel, les affrontements sont terribles, il y a des omnibus qui sont à chevaux, hein, bien sûr, qui sont brûlés, enfin des barricades, il faut imaginer, mais pas de candidats, sauf un curieux personnage qui est à l'époque, qui vient d'être juste nommé préfet de Versailles et qui s'appelle Louis Lépine. Alors Louis Lépine, il est assez fascinant parce que c'est quelqu'un qui est républicain, hein, pas modérément républicain, mais déteste le désordre. On dirait que c'est un homme d'autorité qui a une vraie nostalgie de la vie militaire et il va prendre tout un tas de décisions qui sont autant de réformes et autant de petites révolutions dans le domaine du maintien de l'ordre. En gros, les manifestations publiques et dans la rue sont interdites, hein. et elles le seront jusqu'à un décret-loi de 1935, la Troisième République. Pour la Troisième République, la rue, c'est le domaine de l'ordre, pas le domaine de la liberté. On doit procéder de la manière suivante. Trois sommations solennelles, précédées soit d'une sonnerie de clairon, soit d'un roulement de tambour, et qui appelle la foule à se disperser. À partir de l'échec, en tout cas du semi-échec de cette dispersion, eh bien, désormais il est licite de disperser ce rassemblement par la force. Plus loin. Le préfet Lépine a marqué l'histoire du maintien de l'ordre, notamment en essayant de trouver des moyens alternatifs à la charge dans la foule. Ce qu'il a tenté de faire, c'est de montrer le plus de force possible pour ne pas avoir à s'en servir, c'est-à-dire déployer une force dissuasive, notamment par l'adjonction de chevaux, qui permettent la mise à distance de foules protestataires. Ça passait par exemple par l'occupation, la saturation de l'espace. Par exemple, lorsqu'on voulait éviter qu'une manifestation se tienne place de la République, on faisait tourner les chevaux en manège autour de la place de la République, de manière à ce que, évidemment, aucun manifestant ne parvienne sur la place. Alors, du coup, les protestataires les plus téméraires s'armaient de sabres ou de longs couteaux et coupaient les jarrets des chevaux qui tournaient sur la place. Plutôt que accompagner un cortège, même là où on ne veut pas qu'il aille, pour in fine devoir employer la force, eh bien, on sectionne les cortèges et on décrète des zones de la ville totalement interdites à la manifestation. Et ça, c'est une technique qu'on a vu ressurgir un siècle après Lépine, notamment à la suite des mouvements altermondialistes, comme on disait, les mouvements nés à Seattle en 1999, où là, à l'occasion de sommets internationaux, on décrète toute une zone dans la ville absolument interdite à la manifestation, parfois même interdite au public. 1920 est la date charnière pour le maintien de l'ordre. Depuis 1895, depuis les événements de Fourmies et autres, on se dit qu'il faut trouver une solution. Et cette solution, ça serait un corps professionnel spécialisé dans le maintien de l'ordre. On ne peut plus, c'est très clair, employer une armée victorieuse qui vient de rendre l'Alsace et la Lorraine à leur mère la France. Enfin, on ne peut plus employer l'armée contre la nation. Et cette loi, elle est essentielle parce qu'elle crée 111 pelotons mobiles de gendarmerie dont la mission ne sera que le maintien de l'ordre, qui sont donc distincts de la gendarmerie territoriale. Ce sont des gendarmes, mais leur mission est uniquement le maintien de l'ordre. Ils sont près de 30 000 et depuis 1926, ils portent un nom bien précis, c'est ce que l'on appelle la gendarmerie républicaine mobile, la garde républicaine mobile. Il y a des mythes fondateurs qu'on raconte. Par exemple, après le grand désordre du 6 février, 9 février 1934, les morts ramassés sur la place de la Concorde. On prend le décret-loi de 1935 qui oblige à la déclaration préalable, c'est-à-dire qu'une manifestation doit être déclarée. Ça, c'est l'acte 1 de la discipline de la manifestation que les Gilets jaunes refusent, par exemple. Un autre mythe fondateur du maintien de l'ordre à la française, entre guillemets, c'est mai 68, bien sûr, parce que mai 68, ça a été un mois, plus d'un mois de protestations dans toute la France, principalement à Paris, au cours duquel, 180 voitures gisant sur la nous dit la police, il n'y a eu aucun mort à déplorer, et c'est encore une fois le signe de l'excellence, de la tempérance, de l'autodiscipline des forces de maintien de l'ordre, sous l'autorité notamment du préfet Grimaud, qui, dans les derniers jours de mai 68, envoie une lettre à l'ensemble des fonctionnaires de police pour leur rappeler que la dignité du policier consiste à faire un usage toujours modéré de la force, proportionnel au danger encouru, et que frapper un homme à terre, c'est se frapper soi-même. C'est l'affrontement. Alors, il faut faire plusieurs remarques sur mai 68. D'abord, mai 68, il y a eu des morts. À Lyon, à Flins, à Paris. À Paris, durant une nuit, un manifestant a trouvé la mort. La préfecture de police à l'époque a prétendu qu'il s'agissait de la victime d'une rixe, quelqu'un qui serait battu au couteau avec un autre. En réalité, non, c'est quelqu'un qui est mort. Sans doute un marginal, pas de proches, la famille n'a pas protesté. Et donc, on a pu effectivement vendre au public qu'il s'agissait d'une action extérieure aux opérations. Donc il y a eu des morts en 68. 68 a été un mouvement très brutal, les manifestants étaient très engagés, mais les policiers étaient très brutaux également. Et si le préfet Grimaud prend cette lettre, c'est précisément parce que il doit faire le constat que la force est employée et qu'elle est souvent à mauvais escient et qu'elle est souvent disproportionnée. Et c'est la raison pour laquelle il rappelle que frapper un homme à terre, ça ne se fait pas. Prise d'assaut par les CRS, les barricades brûlent. Derrière chacune d'elles, les étudiants résistent avec tout l'acharnement de leur jeunesse et de leur conviction. Il est vrai que le préfet qui a précédé Maurice Grimaud, c'est le préfet Papon, responsable en quelque sorte du massacre continu des Algériens en septembre-octobre 1961, notamment les nuits du 17 octobre 1961 et du maintien de l'ordre à Charonne. Le 8 février 1962, au cours duquel les troupes de la préfecture de police, ce sont des policiers parisiens, matraquent jusqu'à la mort 11 manifestants au métro Charonne. N'empêche que Maurice Papon est resté préfet jusque fin 1967, début 1968, et passé la fin de la guerre d'Algérie, juillet 1962, vous n'avez plus de manifestations à ce point violentes à Paris. Vous n'avez plus de morts à déplorer à Paris. Et Maurice Papon rappelle dès juillet 1962 à ses troupes que désormais, nous sommes revenus à une situation normale et nous ne sommes plus en état de guerre civile. Maurice Papon, qui a été implanté à la préfecture de police, alors qu'il était préfet à Constantine, en Algérie. C'est quelqu'un qui a été appelé à la préfecture de police pour gérer ce qui apparaît au pouvoir public à l'époque comme une guerre civile, le FLN ayant déclaré la guerre sur le territoire parisien. Mais dès la fin de la guerre, Maurice Papon revient à des préoccupations civiles et lui-même participe de l'histoire de la civilisation du maintien de l'ordre. C'est d'autant plus éclatant que ça a été un préfet de guerre, ça a été un préfet de paix. Le chassard, vous savez bien que nous, on a tellement décidé de faire la manifestation demain. Là, on départ d'ici à 7 heures. On arrivera à Paris à 8h30. Nous, on prendra le trottoir de la ligne droite. De Paris, il prendra le trottoir de la ligne gauche. Nous, on a un ordre d'arriver jusqu'à l'étoile. Vous avez le droit de prendre le bus ou d'aller à pied, prendre le taxi, pourvu que vous soyez là-bas à 8h30. Bon, vous êtes tous contents. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation? Acte 1, 2 et 3. Le coup de l'essence n'est pas dans mon quotidien. Je ne fais pas de lien. Opéré deux jours avant l'acte 4, je commence à saisir qu'il va falloir se renseigner. On m'envoie le replay du coup de gueule de Xavier Mathieu sur BFM. S'ensuit la première heure de recherche sur le net. Ça bouillonne, les gens réfléchissent ensemble, au-delà des divisions. C'est dingue, tous ces gens réveillés en pleine nuit. Les grands médias martèlent que les revendications ne sont pas claires. Pourtant, elles sont très simples à comprendre. Qu'y a-t-il de compliqué ? Une meilleure répartition des richesses, davantage de justice sociale, ainsi qu'une demande de participation des citoyens au processus démocratique ? Un fossé se creuse et des voix se lèvent pour porter ces sujets qui sont légitimes et justifiés. C'est plus compliqué de prendre la mesure du mépris. Cette réaction à ce niveau m'a paru tellement irresponsable et les réponses complètement décalées. Alors, La manifestation, c'est une forme historique située qui commence à exister avec l'émergence de la démocratie. Olivier Fiel. Donc ça, c'est très important de commencer par là, parce que c'est parce qu'il y a l'idée d'une souveraineté du peuple que la manifestation a du sens. Autrement, on parle d'émeutes, on parle de phénomènes révolutionnaires, insurrectionnels, etc. Donc la manifestation, c'est tout simplement un mode d'expression d'opinion politique par une partie du souverain, donc par une partie de la population, en dehors des élections, qui, dans nos démocraties représentatives, sont censées être les moments où les citoyens expriment la volonté populaire, donc sélectionnent les gouvernants, etc. Jusqu'au milieu des années 2000, pensez, je ne sais pas, les manifestations lycéennes et étudiantes en 86, avant, après. Voilà, vous mettez 500, 600 000 gamins dans la rue, le pouvoir cède, on retire le projet. Donc c'était devenu en quelque sorte en France aussi une sorte de routine en quelque sorte. Voilà, et les politiques se sont laissés prendre à ce jeu en disant s'il y a beaucoup de monde je céderai, cette obsession du million de manifestants, ça. C'est un peu fini ça. Puis au milieu des années 2000, les gouvernements ont beaucoup insisté, quel qu'il soit, ont beaucoup insisté sur le fait que quel que soit le nombre de manifestants, ce ne sera jamais équivalent au nombre des électeurs, et donc il n'est pas question de céder, on ne gouverne pas par la rue, enfin vous connaissez toutes ces phrases qui sont devenues célèbres de nos hommes politiques. Alors, la doctrine officielle du maintien de l'ordre en France depuis, disons, les années 68, l'après 68, c'est le principe de la mise à distance. Hein, et c'est l'idée que le manifestant est un citoyen momentanément égaré, donc il faut gérer un peu comme on gère un enfant turbulent. Mais ça reste un citoyen, donc on ne lui tire pas dessus, puisqu'il est dépositaire du souverain. Donc la mise à distance, ça veut dire qu'il faut tenir les manifestants à distance pour éviter absolument le contact physique entre forces de l'ordre et manifestants, parce que les contacts physiques vont générer des violences de part et d'autre. Et en réalité, dans les forces de l'ordre, le premier souci des dégradés, c'est leurs hommes. Et je l'ai toujours entendu dans tous les entretiens que j'ai fait depuis 30 ans avec les responsables policiers. Le premier souci, c'est mes hommes. C'est-à-dire que je veux surtout pas qu'il y en ait un qui parte en vrille, qui règle les comptes sur le terrain, pas de bagarre interpersonnelle, etc. Donc la mise à distance, c'est ça. C'est vraiment d'où tous les moyens de maintien de l'ordre. Le canon à eau, c'est pour repousser les manifestants, ça évite le contact. Les barriérages, le grenadage. Aujourd'hui, cet aspect-là de la doctrine est en train de changer, puisque pour l'état de raison, on a aujourd'hui un mixte entre le principe de la mise à distance et, alors c'est contradictoire, c'est bizarre, mais et la nécessité de retrouver le contact avec les manifestants, etc. Et puis, par-dessus, se greffent maintenant toutes les expériences qui existent ailleurs en Europe où la recherche du contact, mais le contact pour négocier, le contact pour être avec les manifestants, pour éviter l'escalade, c'est aussi développé. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un espèce d'entre-deux où, en réalité, on n'a plus vraiment de doctrine. Et j'avoue que ça doit être très très difficile lorsqu'on est en charge d'un escadron, de mettre en place un maintien de l'ordre pour une manifestation, quand on est préfet, etc., de savoir véritablement quels sont les fondamentaux de la doctrine. Acte 5, 15 décembre. Pas encore très en forme, mais aller voir est devenu indispensable. Le souvenir de cette première manif, c'est de marcher dans une rue calme et de voir surgir soudainement une marée jaune. La marche est rapide, déterminée. Je fais volte-face pour marcher avec eux. Devant nous, les magasins baissent leurs stores, les restaurants rentrent, tables et chaises. D'une minute à l'autre, je suis passée de passante lambda inoffensive à membre d'une manif qui fait peur. Sensation étrange. Puis, tout aussi soudainement, je suis dépassée par un groupe de CRS qui encadre les manifestants en étant presque collée à eux. Les passants regardent. Moment de flottement. Sirène. Il y a eu, en 1931, une très grande grève. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de ce qu'on appelle de course à l'échalote, c'est-à-dire d'aller tabasser des manifestants dans la rue, c'est l'expression indigène des CRS et des gendarmes, la course à l'échalote. Patrick Brunto. C'est passé sous silence, et pourtant il y avait des dizaines de milliers de grévistes, l'occupation des bassins miniers, etc. Sauf que, voilà, il y a eu des techniques qui ont été utilisées, et la première utilisation à échelle massive des grenades lacrymogènes, en 1931, ce qu'on appelait à l'époque l'arme chimique. Alors on n'a pas pu l'utiliser tout de suite parce qu'au sortir de 14-18, l'arme chimique, je ne vous raconte pas l'illégitimité du truc, quoi. Ça, c'était un truc qui tuait. Sauf que les ingénieurs, dans un espace scientifique de rationalisation de l'État, professionnalisation, rationalisation, qui dit rationalisation dit ingénieur, qui dit ingénieur dit arme chimique. Donc les ingénieurs ont mis au point ce qu'ils appelaient l'effet sternutatoire. L'effet sternutatoire, c'est que quand vous allez dans une manif, vous pleurez et vous toussez. Ça vous brûle la gorge, ça vous irrite les yeux, ça ne vous tue pas. Donc la grenade lacrymogène est l'arme centrale du maintien de l'ordre. C'est ce qui permet de refouler les manifestants, de les faire partir sans les blesser. Et donc c'est ce que j'ai appelé, le concept, j'ai appelé ça l'agression d'essence. Voilà. Donc la période 1920-1930, il y a des forces de l'ordre et progressivement, elles mettent en place un répertoire d'action. Sauf que ce répertoire d'action est largement imparfait parce qu'il n'y a pas de protection des corps encore. Donc quand les manifestants balancent des pierres ou autres, bah, ça fait des blessés du côté des forces de l'ordre. Donc les écrits des gendarmes, c'est dans la revue de la gendarmerie, c'est « au secours, on n'a pas d'équipement adapté, on s'en prend plein la figure, vous nous demandez d'être passifs, mais nous, ça suffit, il y a des limites, on peut pas non plus être sacrificiel, etc. » Mais il va falloir attendre des décennies après mai 68, pour qu'il y ait une véritable panoplie du maintien de l'ordre qui se mette en place. Vous voyez, donc il y a tout un processus, et l'essentiel, c'est effectivement les fourgons-pompes qui sont créés. En 6 février 34, on utilise les pompiers. Donc après, les pompiers vont dire, notamment dans les années 60, les pompiers vont être retirés du maintien de l'ordre. Mais au départ, on utilise les pompiers, parce qu'ils ont des lances à incendie. Et quand on n'a pas des camions fourgons-pompes pour l'eau partout, on prend les lances à incendie des pompiers. Alors les pompiers ont été utilisés pendant le 6 février 34 notamment, et après la Seconde Guerre mondiale, rapidement ils vont dire « c'est bon quoi, nous on veut pas, si vous voulez qu'on soit des pompiers bien vus du public pour aller sauver les gens ». Et d'ailleurs c'est pour ça que les pompiers dans les banlieues sont caillassés. Parce que le simple fait d'éteindre un incendie, c'est être partie prenante du conflit collectif. Donc les jeunes de banlieue qui voient des pompiers qui éteignent l'incendie, ils disent « c'est comme des flics, ils viennent nous casser ». Notre désordre. Après la Seconde Guerre mondiale, on invente, après la grenade lacrymogène, on invente l'OF, un immense pétard, et la GLI, qui sont retirées aujourd'hui parce qu'à Sivens, elles ont tué un jeune. Le problème avec l'OF, c'est que c'est un pétard qui peut faire un choc cardiaque, et les éclats d'acier peuvent vous tuer aussi. Donc vous avez une grenade qui sert à la limite du maintien de l'ordre. Voilà. Et c'est là tout l'enjeu du maintien de l'ordre aujourd'hui, c'est qu'en fait, les forces de l'ordre savent parfaitement bien gérer le maintien de l'ordre ordinaire, mais quand le pouvoir politique leur demande d'être plus répressive, sur ordre, parce que la plupart du temps, il n'y a pas de problème de légitime défense, il n'y a pas de personne avec des kalachnikovs en face. Donc c'est la police judiciaire qui a affaire aux kalachnikovs, pas le maintien de l'ordre. Donc dans le maintien de l'ordre, quand on voit les manifs des années 70 et des gauchistes qui utilisaient des cocktails Molotov, qui balançaient des pierres, c'est le pouvoir politique qui à chaque fois veut être plus musclé, que ça soit du Marcelin, que ça soit du Pasqua, Papon. À chaque fois, ce sont des casques à pointe, ce sont des, on va dire, la tendance autoritaire de la démocratie qui impose aux forces de l'ordre d'avoir ces outils qui sont parfois dolosifs, voire létaux, à savoir l'OF, la GLI. Alors l'OF, c'est un effet de souffle, et vous avez la GLI qui est un gaz invisible, et vous avez aussi un effet de détonation. Voilà. Donc quand vous êtes à côté, vous pouvez avoir des problèmes pulmonaires, vous pouvez avoir un choc cardiaque, et vous pouvez avoir la main explosée si vous prenez la grenade dans la main. Et bien sûr, les éclats peuvent aussi vous enlever un œil ou vous tuer. Ces outils-là sont aujourd'hui l'enjeu. Donc on les a enlevés, mais on a réintroduit des armes dites intermédiaires, qui sont des armes, et qui sont introduites par Sarkozy et Chirac autour des années 80-90 en fait, dans la gestion essentiellement des banlieues. J'appellerais ça la gestion néocoloniale de la question sociale. Oui, c'est vrai. Cette arme de force intermédiaire peut blesser. Mais pour faire face aux émeutiers, pour se défendre contre ceux qui les attaquent, les forces de l'ordre en ont besoin. Si elles en étaient privées, elles n'auraient alors plus d'autre alternative que le corps à corps ou l'usage de l'arme de service. Pourquoi vous l'appellerez comme ça ? Parce que ce sont des Arabes et des Noirs, et que dans la gestion néocoloniale, on considère qu'ils ont moins d'importance qu'un Blanc ou qu'un Français. Donc on peut balancer du taser, ou on peut faire du flashball ou du LBD sur de la racaille, parce qu'effectivement, on ne les considère pas comme des citoyens ordinaires, comme des bons Français, etc. Il faut savoir que les paysans, par exemple, ont saccagé des préfectures. Les paysans, avec leurs tracteurs, ont balancé du purin un peu partout. Mais on les considère comme des bons Français. Ils ont dévasté des centres-villes. Donc du coup, en fonction de la classe sociale que vous avez en face de vous, vous n'avez pas les mêmes logiques politiques de répression. Viens, sors d'ici seulement, demain. Sors ici. Viens à côté du journaliste, viens là. On ne touche pas, viens là. C'est le 9-3, ma gueule. Il est clair que les manifestations loi travail, gilets jaunes, ont donné lieu à des dégâts physiques, à des dommages corporels qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Des éborgnements, des énucléations, des mains arrachées, des pieds arrachés. Ça, c'est quelque chose qui manifeste un retournement de l'histoire du maintien de l'ordre. Des formes d'affrontement entre les forces de l'ordre d'un côté, les protestataires de l'autre, dans lesquels l'intégrité physique est risquée. On a d'ailleurs, durant les manifestations, moi j'entendais souvent des manifestants dire qu'ils venaient à la manifestation en ayant intériorisé, anticipé le risque de subir des blessures irréversibles. Et ça, c'est neuf. De la place de la République quand il y a eu pas mal de violences policières pendant Nuit debout la nuit. Acte 6, 22 décembre. Nous irons à deux avec une amie qui arrive la veille. C'est chouette de savoir que nous sommes beaucoup à attendre le même message. Et ça a à voir avec la forme nouvelle que les manifestants, les gilets jaunes, ont voulu donner à leurs protestations. Ça a à voir aussi avec la diffusion de moyens policiers, tels que notamment les lanceurs de balles de défense, les grenades, qui ont d'abord été pensés comme étant des outils de protection des policiers individuels en cas de prise à partie par des bandes. Ce sont des outils qui viennent de la banlieue, ce sont des outils qui viennent des cités de banlieue et qui se sont diffusés dans le répertoire classique, ordinaire de gestion des manifestations. Chacun appelle au calme quand les CRS chargent la foule. Pourquoi d'ailleurs ? Je ressens plutôt une très belle émotion devant des valeurs collectives de justice et de solidarité. Le dialogue est facile. Difficile de dire combien nous sommes, mais force est de constater que nous sommes très nombreux. La rumeur passe dans la foule, nous serions 900 manifestants selon les grands médias. C'est un moment très étrange. Je ne sais plus si je suis triste ou en colère. Déception devant cette mascarade, c'est très infantilisant et difficile à accepter dans un monde d'adultes. On est dans la sophistication aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est avec des tenues ignifugées, il n'y a pas de poche, avec des boucliers qui prennent entièrement le corps, avec un casque aussi adapté. Enfin voilà, le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Le maintien d'ordre, il est parfaitement opérationnel. Et en absolu, je dirais, il n'y a rien à changer. Il y a juste à enlever. Voilà. Il y a enlevé des gens et il y a enlevé des choses. Il faut enlever ces armes très dangereuses que sont le LBD. Parce qu'on peut faire des grenades lacrymogènes, on peut faire des armes voilà, on peut vous balancer des colorants. Il y a tous ces effets de dissuasion qui peuvent être réfléchis sans qu'on ait à atteindre le corps de l'autre. Il faut rester sur l'agression des sens et pas sur la perforation des corps. Le LBD en soi, si vous le posez sur une table, il fait de mal à personne. Tous ces instruments-là, moi je suis pas de ceux qui considèrent que l'instrument lui-même est le problème. Le problème, c'est son usage, les modalités de son usage, qui en fait usage, est-ce que l'usage est encadré par la loi, de manière précise, par un règlement, et est-ce que ceux qui s'en servent sont formés à s'en servir, et lorsqu'ils s'en servent, est-ce qu'ils respectent les consignes qui sont attachées aux manières de s'en servir. Lorsque, dans les années 80, on avait exactement le même débat qu'aujourd'hui sur le LBD autour des grenades lacrymogènes et autour des tirs tendus. La grenade lacrymogène, lorsqu'on s'en sert correctement, alors évidemment ça fait pleurer, mais c'est un moyen de disperser et il faut que les gens comprennent aussi qu'il est légitime à ce moment de disperser une foule, etc. Mais si vous prenez votre lanceur de grenade et vous visez la tête du manifestant et que vous lui arrachez un œil, c'est pas la faute de la grenade, c'est la faute éventuellement du fonctionnaire, plus sûrement encore de la hiérarchie qui laisse faire d'une certaine manière. En fait, une des évolutions majeures du maintien de l'ordre dans les années 90, surtout dans les années 2000, c'est l'omniprésence des caméras. Et c'est le fait qu'on dit de la police qu'elle est une force publique, parce qu'il y a bien une circonstance dans laquelle, effectivement, elle est sous l'œil du public, c'est le maintien de l'ordre. Et ça, c'est une mutation considérable, qui n'est pas neuve, hein. En 1995, je faisais des entretiens avec des cadres du maintien de l'ordre à Paris qui introduisaient les premiers caméscopes à l'époque et d'ailleurs qui formaient les CRS formaient leurs fonctionnaires au maniement de la caméra, protection de celui qui tient la caméra. Et vous aviez en tête de cortège un camion de police avec dessus juché un caméraman qui filmait l'ensemble des opérations pour procéder à l'identification des fauteurs de troubles à l'époque. Donc vous voyez que l'introduction de la caméra, l'introduction aussi du souci de judiciarisation, c'est-à-dire du traitement pénal des auteurs d'infractions, il n'est pas neuf. Mais aujourd'hui, la caméra, c'est l'outil démocratique par excellence. Tout le monde est armé de sa caméra. Acte 11, 26 janvier. Je suis Jérôme Rodriguez sur Facebook. Je quitte la manif avant la fin. Très vite, j'apprends que Jérôme est victime d'un tir de flashball. Un de plus. Juste envie de pleurer. Alors l'IGPN, c'est un service de contrôle interne de la police nationale. C'est-à-dire que c'est un service composé de policiers qui mènent des enquêtes sur des policiers. Cédric Moreau de Bellevue. Il est vrai que les policiers de l'IGPN sont sur une corde raide. C'est que d'un côté, ce sont des policiers toujours suspects de sympathie ou de clémence vis-à-vis des autres policiers. Et d'un autre côté, ils sont absolument détestés par les autres policiers qui y voient des types qui viennent leur chercher des poux dans la tête. Bref, ils sont... L'idée qu'on s'acharne sur eux, elle est tout le temps présente chez eux. Absolument. Et les enquêteurs de l'IGPN sont en permanence sur cette corde-là. Je pense que ça rejoue les mêmes interrogations vis-à-vis de l'inspection générale, d'autant que sa directrice a dit très récemment qu'elle contestait le terme trop générique de violence policière, en ceci qu'il ne fait pas suffisamment la différence entre violence légitime et violence illégitime. Il faut tout de même relever que pour l'inspection, cette situation est inédite, parce que habituellement, peu de dossiers arrivent à l'inspection concernant des situations de maintien de l'ordre, parce qu'il y a des difficultés pour identifier les policiers concernés, éventuellement poursuivis. Donc dans les années 2000, il y avait très peu de dossiers concernant le maintien de l'ordre. Et ce n'est pas qu'en raison d'une augmentation de la violence dans les manifestations. C'est aussi lié au fait que c'était pas le débouché naturel des problèmes disciplinaires qui étaient davantage, par exemple, chez les CRS, qui étaient davantage traités en interne. Le chef de service prenait des sanctions, ça sortait relativement peu des services. Là, on est dans une situation où effectivement l'IGPN est confronté à énormément de dossiers. Alors, une partie de l'opinion publique se dit « Ah ben voilà, c'est pris en charge, c'est traité, c'est bien la preuve que nous vivons dans un état de droit qui fonctionne bien. » Puis vous avez une autre partie de l'opinion publique qui va dire « Ben oui, mais de toute façon, tout cela est complètement superficiel ou artificiel parce que ce sont des policiers, donc ils vont rejouer la clémence. » Il n'y a pas de rupture de ce point de vue-là dans la perception de l'opinion publique de l'inspection. Ça ne fait qu'actualiser de manière un peu plus vive les types de controverses qui existent depuis longtemps maintenant. Il y a toujours eu des débats sur qu'est-ce que c'est la légitime défense. Et jusqu'où peut-on aller pour se défendre ? Ce que voudraient les policiers aujourd'hui, notamment les syndicats de police aujourd'hui, c'est la non-intervention de la justice. C'est-à-dire de pouvoir tuer, il faut le dire, en toute impunité. Vanessa Kodachun. C'est insupportable pour la plupart des syndicats de police et des policiers qu'un juge puisse même examiner la possibilité qu'il n'y ait pas eu légitime défense. Ils seront toujours en légitime défense. Et si on regarde le travail de l'IGPN, l'IGPN sanctionne très rarement les policiers qui ont tué. Même si leur violence était illégitime, illégale, en dehors de la légitime défense, ils vont quand même dire « oui, mais... » C'était pour protéger, c'était dans le cadre de maintien de l'ordre, donc dans le cadre du travail, ça va toujours être de la légitime défense pour eux. Et il est arrivé dans l'histoire que des policiers qui tuent inventent des personnes à protéger. Et il n'y a pas si longtemps par ailleurs, je crois que c'était en juillet dernier, donc il y a un an, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, il y a un policier qui a tué quelqu'un qui était en voiture en disant que cette personne allait écraser quelqu'un. Donc il avait tiré sur la voiture, et donc sur le conducteur en le tuant, pour protéger des passants, et des citoyennes et des citoyens. Sauf que, malchance pour lui, et c'est l'un des avantages aujourd'hui de la vidéo, une vidéo a montré qu'il n'y avait de danger pour personne. Et donc, finalement, on a vu qu'il n'y avait pas légitime défense. Mais ça, c'est très difficile à prouver, ce que je vous disais tout à l'heure, d'où le gros danger de ces lois sur la présomption de légitime défense, et d'où l'intérêt aussi, je le dis, de filmer. La légitime défense est une excuse à l'infraction pénale. La légitime défense, c'est la défense de quelqu'un qui était menacé dans sa vie, sa définition est quand même assez restrictive, et qui est obligé donc d'utiliser de la force, et une force qui peut être mortelle pour se défendre. Policier ou non policier, quand quelqu'un abat un cambrioleur dans sa boutique, vous savez qu'il y a tout un débat pour savoir si ce commerçant était fondé à le faire, est-ce qu'il était vraiment en danger de mort, et s'il n'était pas en danger de mort, il ne peut pas invoquer la légitime défense. Alors, s'agissant des policiers, moi je crois qu'il est bien rare les situations dans lesquelles ils peuvent invoquer la légitime défense, car ils sont organisés de telle sorte qu'il n'est pas à l'invoquer. Ils peuvent invoquer la nécessité de recourir à la force pour disperser un attroupement, mais ils ne peuvent pas pour invoquer la légitime défense. Sauf si l'un d'entre eux, par exemple, se trouvait acculé contre un mur entouré de 200 manifestants très hostiles qui commencent à lui jeter des pierres. Là, oui, c'est arrivé à certains moments, pendant des moments exceptionnels, non pas tellement dans des manifestations, mais dans des mouvements d'agitation politique, je pense à la guerre d'Algérie très très forte, etc. Mais dans les manifestations, c'est quelque chose d'extrêmement rare, me semble-t-il, qui peut être invoqué, et si elle est invoquée, je crois qu'elle est souvent à tort. Mais je ne l'exclus pas a priori, je dis simplement que son emploi est improbable dans l'emploi normal de la police, d'une police que j'ai qualifiée tout à l'heure de républicaine. 1er mai. De Denfert Rochereau au lieu de départ de la manifestation, je croise des gens qui n'osent pas avancer et me disent que je n'arriverai pas à passer. Dès l'Antiquité, sous Cicéron, la première fonction de la légitime défense, c'est d'empêcher que des individus qui ont été agressés et qui ont répondu à cette agression par une violence, mortelle ou non mortelle, ne soient inquiétés par la justice. Mais ensuite, il y a une autre fonction qui va apparaître au Moyen-Âge de la légitime défense, qui est celle d'obliger ceux qui tuent à des fins défensives à accepter la justice. Ça veut dire que la légitime défense, ça ne devient plus un droit, ça devient un acte violent, un crime qui va être excusé par la justice. Et ça, c'est très important parce que, par exemple, les nobles étaient ceux qui utilisaient le plus la légitime défense. Ils tuaient, ils se bagarraient, ils tuaient, ils disaient « je suis en état de légitime défense » et il ne se passait rien. À partir du Moyen-Âge, ça commence à se compliquer puisque le roi, notamment, veut soumettre les nobles à la justice publique, leur faire comprendre qu'il y a quand même une justice. Et donc les nobles qui tuent en état de légitime défense doivent demander le pardon du roi. Et donc on voit bien qu'il y a une étape supplémentaire, une contrainte qui va peser. On ne peut plus tuer impunément, il faut qu'un juge décide qu'il y a bien eu légitime défense. Ces débats s'amplifient au XIXe siècle, parce qu'il y a la criminologie qui apparaît, il y a toute une théorie de la défense pénale, mais c'est surtout en France à partir de 1810. Notre premier code pénal reconnaît la légitime défense, en fait une cause d'irresponsabilité pénale, comme la folie. Michel Foucault disait « la folie efface le crime », le code pénal de 1810 dit « la légitime défense efface le crime ». Sous certaines conditions, il faut vraiment avoir été agressé, qu'il y ait une menace qui soit réelle. Il faut que la réponse à l'agression ait été, et ça c'est difficile, proportionnée à l'attaque. Et puis le troisième critère, c'est qu'il faut qu'il y ait simultanéité, ça aussi très compliqué, entre l'agression et la réponse. Il faut savoir que l'armement et la possibilité pour les policiers de tuer plus facilement a été déjà historiquement acceptée, accordée en France sous Vichy et pendant la guerre d'Algérie. C'est les deux moments où les policiers ont pu tuer, en impunité quasiment, les premiers pour tuer des résistants, les deuxièmes pour tuer des indépendantistes algériens et leur soutien. Mais dès la fin de Vichy et dès la fin de la guerre d'Algérie, hop, ont retourné soi-disant à un régime normal. Ce qui est très difficile et très compliqué une fois que vous avez donné des armes à la police et que vous leur avez dit vous pouvez tirer quand vous voulez, va leur dire deux mois après ce n'est plus possible. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo puis du Bataclan, là, les revendications des syndicats des polices ont été majoritairement focalisées sur la légitime défense. On veut pouvoir se défendre plus facilement. Et d'un, parce qu'il y a une potentialité meurtrière très forte des auteurs d'attentats terroristes, ce qui est vrai, état d'urgence. Et deuxièmement, parce que les policiers sont pris pour cible aujourd'hui par les terroristes. Et à partir de là, il va y avoir un fort lobbying autour de la légitime défense et Nicolas Sarkozy, pour la première fois, va recevoir le syndicat de police Alliance sur la question de la légitime défense et on aura deux lois, 2016-2017, qui va étendre la légitime défense pour la police et leur donner plus de moyens d'utiliser leurs armes, de façon cette fois-ci permanente. Des policiers qui sont armés jour et nuit, en dehors de leur service, au nom là encore de la lutte antiterroriste, ça peut amener à des bavures certaines. Et par ailleurs, une fois que vous avez voté des lois dans des circonstances de crise, comme l'état d'urgence, il y a toujours, toujours, toujours une forme de dérive qui est la suivante. La cible initiale change. Et ça a toujours été le cas. Et je vous donne un exemple malheureux qui est celui de l'Angleterre. À Londres en 2005, après les attentats terroristes de Londres, Scotland Yard a autorisé les policiers à utiliser une légitime défense plus étendue. C'est-à-dire à tirer plus facilement et en leur apprenant, il faut viser la tête, il faut viser le ventre, enfin voilà. La doctrine, la shooting to kill, tirer pour tuer. Trois semaines après, c'est un électricien brésilien de 27 ans qui a été pris pour un terroriste pakistanais qui a été tué de 7 balles dans la tête, dans le métro, par la police londonienne. Le rapport de l'opinion publique à l'institution policière est paradoxal, parce que d'un côté, on a des enquêtes d'opinion qui disent que les gens ne se sentent plus protégés par la police, qu'un nombre croissant de gens se sentent menacés dans ce qu'ils voient un policier, mais d'un autre côté, on a des enquêtes d'opinion qui montrent année après année que la confiance dans l'institution policière est élevée. Alors ce qui est certain, c'est que la tendance, une tendance qui s'est un peu durablement installée au sein de l'institution policière, c'est celle de la forteresse assiégée, c'est-à-dire que les policiers ont le sentiment absolument partagé et convaincu d'être isolés dans la société, dans le monde social, d'être en permanence dénoncés, critiqués, surveillés, accusés. Ils ont le sentiment d'être confrontés non plus à des adversaires mais à des ennemis. Ils vont vous dire, nous sommes maintenant des cibles, nous sommes des cibles légitimes. Avant, on était des cibles dans la protestation parce que on s'interposait entre les protestataires et les destinataires de la protestation. Aujourd'hui, nous sommes des cibles. Et ce sentiment d'isolement n'est pas incroyablement propice à la reprise d'un dialogue ou de relations plus suivies avec la population. Quand les policiers ont demandé à faire davantage de patrouilles en voiture plutôt que de patrouiller à pied, ça a eu un effet important dans la rue. Quand vous êtes dans Paris, que vous marchez, vous croisez assez peu de policiers à pied, on les voit en voiture. Lorsqu'il a été décidé de protéger les commissariats parce que des policiers avaient été l'objet d'attaques, notamment d'attaques terroristes, ça a rendu plus difficile l'accès aux commissariats. C'est un effet d'éloignement. Aujourd'hui, on a des manifestations beaucoup plus diversifiées, avec des gestes très violents, c'est vrai, avec une organisation de la violence, les fameux black blocs, etc. Bon, il faut donc que la doctrine de la police évolue en termes de maintien de l'ordre. Mais je crois qu'elle a mal évolué, si je puis dire, en ce sens où ce sont les policiers qui disent eux-mêmes comment ils doivent organiser la répression, le maintien de l'ordre et généralement l'ordre public. Ce qui me frappe au fond globalement, c'est que nous ne sommes pas évidemment qu'ils soutiendraient, en tout cas pas moi, dans un état policier, c'est-à-dire celui où la police se substitue à la loi. Mais on est dans un état de police, si je puis me permettre ce jeu de mots, c'est-à-dire dans un état où la police a toujours raison. Et la police a toujours raison, notamment quand elle dit au ministère de l'Intérieur, ben voilà comment il faut que je fasse. Et je crois qu'il faut être très fort quand on est ministre de l'Intérieur pour s'opposer à ce type de bande. Et je connais peu de ministres de l'Intérieur qui osent résister, en tout cas contester cette façon de voir. Et donc, à la fois, cette conjonction d'un ministre de l'Intérieur extrêmement puissant et d'une police qui dit ce qui doit être fait, c'est quelque chose de préoccupant qui nous éloigne du modèle de police républicaine, comme on disait dans les années 60, c'était une police très soucieuse de la hiérarchie politique et très soucieuse d'obéir aux valeurs aussi républicaines. On est sans arrêt en train de comparer les violences. Ça n'a pas de sens, en fait, de comparer les violences d'avant et de comparer les violences aujourd'hui. On n'est pas dans la même période. Donc il faut faire extrêmement attention. Et moi, je suis très mal à l'aise quand on dit que la police est plus violente ou que l'État est plus violent. C'est très difficile à dire. Que penser de Vichy, par exemple? Bon, que dire de la guerre d'Algérie? Que dire de Charonne dans le 11e arrondissement? Donc, si on compare, au contraire, on va dire la police est moins violente. C'est ce qu'on appelle en sociologie la thèse de la pacification du maintien de l'ordre. La police serait moins violente, elle se serait pacifiée. Précisément parce qu'on prend le nombre de morts. Or, au contraire, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder que la police, elle se transforme au gré aussi des exigences démocratiques, au gré du fait qu'on n'est plus en guerre, on n'est plus en état de guerre officiellement, même s'ils veulent nous faire croire qu'on est en guerre contre le terrorisme. Donc, le maintien de l'ordre se transforme. Il y a moins de morts, mais il y a de plus en plus de mutilés, de blessés, de personnes qui vont être arrêtées, nassées, humiliées, insultées dans les gardes à vue. Des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. La garde à vue, qui va voir si vous avez été maltraité en garde à vue? C'est très difficile. Donc, il faut faire attention, la comparaison, elle nous trouble un peu et elle nous empêche de penser, je crois. Cette violence-là n'est pas nouvelle. La violence est consubstantielle à nos sociétés depuis longtemps. Est-ce que on devait être dépourvu, pris au dépourvu par cette violence? Je ne crois pas, sûrement pas. Les compagnies républicaines de sécurité, la gendarmerie mobile sont faites pour ça, pour appréhender, canaliser des manifestations violentes. La violence elle-même, elle n'est pas plus violente qu'hier, si je puis dire. Mmh. Bon. Donc je crois qu'il y a là, évidemment, à réfléchir. Et à savoir aussi si du côté des pouvoirs publics, on a pris les moyens qui étaient adaptés d'une part, et puis on n'a pas jeté aussi un peu l'huile sur le feu. Quand avant le 1er mai, on nous dit pendant toute la semaine que ça va être une journée d'émeute, et qu'il faut faire extrêmement attention, surtout pas laisser sortir les gens, etc. On finit par tous être saisis d'un sentiment de crainte. Et on a bien vu que au 1er mai, la police a mélangé allègrement le cortège syndical, les black blocs qu'elle entendait poursuivre, et tout ça dans un feu de grenades continue. Donc ça n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable. Et se trouve là mise en cause non seulement la liberté de manifester, mais aussi l'expression syndicale, qui est aussi dans notre pays, Dieu merci, encore protégée. Donc il faut faire très attention à ce que le maintien de l'ordre ne glisse pas vers des choses qui sont contraires, enfin, aux principes que défend notre démocratie. La résolution que nous avons votée aujourd'hui condamne les interventions violentes et disproportionnées. C'était la série documentaire Force de l'ordre, le maintien de l'ordre à la française. Force de l'ordre contre ceux qui protestent de façon pacifique. Avec Fabien Jobard, Olivier Fiel, Patrick Brunteau, Jean-Marc Berlière, Vanessa Codaccioni, Cédric Moreau de Bellin et Jean-Marie Delarue. Lecture du texte, Olivia Bruno. Merci à Marianne Bowie. Merci à Lina pour les archives, à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France, à Line Presse. Ils doivent répondre devant la justice. Extrait de film Octobre à Paris de Jacques Panigel. Prise de son Marc Hervenès. Mixage Bruno Mourlan. Un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. CRS, agents, inspectrices, commissaires ou gendarmes, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter au commissariat, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram.